telle une dame tartine dans un beau palais de beurre frais. La muraille était de praline, le parquet était de croquet, la chambre à coucher de crème de lait, le lit de biscuit, les rideaux d'Annie. Elle épousa Monsieur Gimblette, coiffé d'un beau fromage blanc. Son chapeau était de galette, son habit était de vol au vent. Culotte en nougat, gilet de chocolat, bas de caramel et souliers de miel. Leur fille, la belle Charlotte, avait un nez de massepain, de superbes dents de compote, des oreilles de craquelin. Je la vois garnir sa robe de plaisir avec un rouleau de pâte d'abricot. Voici que la fée Carabosse, jalouse et de mauvaise humeur, renversa d'un coup de sa bosse le palais sucré du bonheur. Pour le rebâtir, donnez à loisir, donnez bon parent du sucre aux enfants.